Voici votre bulletin régional. Deuxième clinique Impo, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, à Cookshire, le 12 mars, de 9h à midi, au Centre d'action bénévole 57 Craig Nord, au local du journal. À Skustown, de 9h à midi et de 13 à 16h, au bureau municipal 101 Victoria West, les citoyens sont invités à venir porter leurs documents, qu'ils récupéreront le 19. À East Angus, le 12 mars, financement handball. Barrage routier entre 16h30 et 18h30 à l'intersection des rues Angus Nord, Saint-Jacques et Saint-Pierre. Paul Darèche se produira à la salle Guy Veilleux de Cookshire-Eaton le 14 mars. Les 14 et 15 mars, la paroisse Saint-François de Laval vous invite à son 8e symposium des arts à l'église Saint-Louis de France de East Angus. Ça se déroule de 11 à 18h le samedi et de 11h30 à 17h le dimanche.